L'honnêteté se perd, sans plus d'infidélité sur la terre, loyauté que l'on enterre, il n'y a plus de communication, de courage à toute tâche pour exprimer sa rage, ses émotions ou déclarer sa flamme, peu importe l'homme ou la femme. Ce qui compte c'est la sécurité, avoir une vie paisible, calme. Alors c'est la routine qui s'installe, beaucoup s'enlacent, leur attachement trépasse et on s'écrase, voir ailleurs, oubliant ceux qui les aiment encore et prennent place dans leur cœur. Pas mal de choses que j'ai vues, j'en déduis que ce sont les mêmes qui l'ont dans le cul, les mêmes qui sont toujours cocus. Du monde de l'affection, mente, porte d'attention, c'est la tiroir des relations. Trop de complications, on est très loin de cette étincelle. Chacun de nous sommeille et parfois se réveille du premier baiser, les yeux dans les yeux, enlacés. Notre mec qui lui caresse ses cheveux, plus rien ne compte, c'est elle ou lui à tout prix que l'on veut ensemble être heureux dans ce monde véreux, amoureux. C'est elle que je voulais, complètement aveuglé, loin de la réalité, plus rien autour en existait. Envahi par mes projections, je n'ai pas vu que la situation tournait pas rond. Je vivais dans l'illusion, qu'une personne nous appartienne sans que l'on comprenne que nous sommes pas du matériel. L'honnêteté se perd, de plus en plus d'infidélité sur la terre, une loyauté que l'on enterre. Plus personne n'ose faire face, alors on ment, dorénavant y'a plus d'audace pour exprimer ses sentiments. L'honnêteté se perd, de plus en plus d'infidélité sur la terre, une loyauté que l'on enterre. Plus personne n'ose faire face, alors on ment, dorénavant y'a plus d'audace pour exprimer ses sentiments. L'argent, les principales arguments, souvent ils passent au-dessus des sentiments, croyant résoudre tous nos tourments. On préfère se taire et vivre dans la fortune qu'être dans la misère, mais envers soi être sincère. Quand elle ou lui part, on se remet en question sur son départ. Il y en a marre de vivre une déception, mais ce n'est pas toujours à nous la faute. C'est elle ou lui qui n'est pas honnête envers soi-même et donc envers les autres. On se rend compte véritablement à quel point cette personne compte énormément quand elle n'est plus à nos côtés. Disparue notre vie pour l'éternité, plus rien ne suffit pour la ramener dans une société où l'on change de partenaire comme de chemise, parce qu'on est incapable de reconnaître ses vices. Ça en devient triste. La méfiance a pris le pas sur la confiance, c'est devenu un rite. L'amour sincère n'existe plus, c'est l'adultère, l'adultère et se prolifère. Nombreux sont malheureux, c'est aussi douloureux comme une mort survivante. De plus en plus déçu par notre comportement, je me suis aperçu d'aucun changement. L'homme a des priorités, aime se sentir désiré, assouvir sa sexualité, ne cherche que son intérêt. Ça me dégoûte, maintenant de trouver l'amour, j'en ai plus rien à foutre quand je vois le prix que ça coûte. L'honnêteté se perd, de plus en plus d'infidélité sur la terre, une loyauté que l'on enterre. Plus personne n'ose faire face, alors on ment, dorénavant y'a plus d'audace pour exprimer ses sentiments. L'honnêteté se perd, de plus en plus d'infidélité sur la terre, une loyauté que l'on enterre. Plus personne n'ose faire face, alors on ment, dorénavant y'a plus d'audace pour exprimer ses sentiments.